Bonjour. Partir un jour, tout laisser, tout plaquer, sa famille, son boulot, qui n'en a pas rêvé un jour? Mais nous savons tous que ce n'est pas raisonnable et nous vous le déconseillons fortement. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, et ces 4 prochains jours, j'ai le plaisir de vous inviter à la campagne, à la découverte de la nature, des animaux, des agriculteurs, mais aussi des agricultures. C'est un monde nouveau, différent, à quelques minutes en voiture seulement de nos villes. Venez découvrir avec nous les arbres, les lapins, les engrais, les fleurs, les nappes phréatiques et les grenouilles. Venez, venez, venez. Ah, monsieur Bardamuche, ouais. Le grand air, mais c'est magnifique. On a envie de courir, de gambader. Bon Dieu, on vit enfermé toute l'année. On est fait pour vivre au grand air. Oh, ça fait du bien de découvrir les gens. Oui, allez quand même, va courir dans les broussailles, c'est plein de serpents. Bon, putain, c'est jeune. Monsieur Bardamuche, nous allons faire ensemble 5 émissions. Ouais. Vous allez être notre guide dans cet univers neuf pour les auditeurs. En tout cas, neuf pour moi. Cet univers impitoyable, si vous me permettez l'expression, j'ai nommé la campagne. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il tourne votre milieu, là? La question que l'on se pose tout d'abord est la suivante. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête du gars qui se lève un matin et qui décide qu'il va cultiver la terre? Ouais, qui a fait pipi dans qu'est-ce la qu'il fait la... C'est quand même inouï, ça. Car qu'à ce moment précis, il bascule dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête du mec qui décide « Cette année, je plante du blé. » Autre chose, du maïs, par exemple. Ouais, écoutez, j'ai pas l'impression de bien vous cerner, là. Vous êtes là pour voir le pays, non? Bon. Alors, vous voyez ces châles, là, devant moi? Mon grand-père les a cultivés, et après lui, mon père. Et après, ça a été mon tour, voilà, 37 ans, putain. Et jamais, vous m'entendez, jamais on s'est laissé emmerder par des putains de touristes, surtout quand ils vous posent des questions à la con. Mais faut arrêter de raconter des Le franc-parler, le légendaire franc-parler de la campagne. Mais soyez sans crainte, nous ne parlerons pas de vous, seulement du beau pays que vous habitez. Qu'allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Bon, je m'en vais vous montrer une vache, ça vous va? Tout un programme. Je ne peux pas attendre de découvrir une vache. Bah dites-vous, vous le faites exprès, oui ou merde la putain? Alors faut arrêter de raconter des salades, la merde. Où allons-nous, monsieur Bardamu? Je vous amène au clos du Pendu. Vous auriez dû prendre des bottes, c'est boueux par ici. Nous marchons actuellement sur un petit chemin creux au milieu de la forêt. Le soleil filtre à travers les feuilles et fait de-ci de-là des taches de lumière sur les petits bouquets de fleurs des bois, regardez là. Eh, hey, mais vous écorchez dans les bas de les ronces, vous allez choper le tétanos. Mais ouais. Oh, putain. Bon voilà, on y est. Le clos du Pendu, où qu'elles sont, les salopes, okay. Sûrement en bas, sous les arbres. Vous savez, ça tape dur en plein midi. Pourquoi le clos du Pendu? D'où vient ce nom? C'est une vieille histoire, du temps de mon grand-père, putain. Un homme possédait ce terrain. Sa terre produisait bien, il avait une belle femme, de beaux enfants. Il avait tout pour être heureux, le con. Et puis un jour, on l'a retrouvé dans sa grange, accroché à une poutre. Tout bleu qu'on raconte. Alors sa femme est partie, elle a vendu ce terrain à mon grand-père. Et pourquoi a-t-il fait ça? Mais ils n'ont jamais vraiment su pourquoi. On raconte qu'on l'avait vu le matin même sur la grande route, en train de discuter avec un homme en noir. Un mystérieux homme en noir avec un grand chapeau qui cachait son visage. Certains disent avoir reconnu le... Avoir reconnu qui? Tiens, les voilà en bas, comme je vous l'avais dit. Sous les arbres, là, près du ruisseau. Ah, ils aiment la fraîcheur, les salopes. Qui ces gens ont-ils reconnu? Nom de Dieu! C'est énorme! Y'en a combien? Mais une quinzaine, venez, putain! Mais elles nous ont vus, elles arrivent! Mais moi je fous le camp! Ceci est un reportage Patrice de Blaillac pour Soyez en passant. Demain nous découvrirons ce que c'est qu'un fromage. Le fromage qui a le double avantage de ne pas peser 500 kilos et de ne pas poursuivre les gens! Ah, non, je ne veux pas savoir! Elles arrivent! Mais c'est dingue ça, mais revenez! Putain, mais c'est inouï ça, merde! Faut le dire ça aux géants!